La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Il est très exactement 13h03. Michel avec vous jusqu'à 15h30, comme chaque dimanche. On va mettre un petit peu de son parce que je crois qu'on ne m'entend pas. Voilà, c'est mieux. Et on est ensemble jusqu'à 15h30. On écoute tout de suite, Mireille Desbois au Passe Pitchou. C'est de l'Auvergnat, bien entendu. Le soir vient, la chaleur du canton qui nous enivre, en Auvergne, en Rouergue et Limousin. Il y a aussi la vielle et la cabrette, pour nous faire danser les jours de fête, des bourrées dans les petits bals champêtres, au son joyeux d'un bon accordéon. Il y a partout de beaux champs de bruyères, de genêts d'or où coulent des rivières, pleines de truites qui deviendront meunières, pleines de milliers de petits poissons. Il y a aussi les importants barrages, et leurs grands lacs limpides et cristallins, et des châteaux datant du Moyen-Âge, en Auvergne, en Rouergue. Et Limousin. On y ramasse au retour de l'automne des champignons dans les bois de sapin et de bons vins qu'on remplit les bonbonnes en Auvergne, en Rouergue et Limousin. Si toutefois les patois diffèrent, l'accent reste toujours très chantant. La Languedoc pour nous est familière, le midi est proche évidemment. Que l'on mange tout bourriole et pompe en Auvergne, Rouergue et Limousin. Il n'y a personne qui s'y trompe, c'est toujours des crêpes de sarrasin et des troupeaux dans les verts pâturages forment partout de ravissant tableau, et l'on entend tinter dans les bocages le clair sonnail renvoyé par l'écho. Dans ce pays rêvé pour les vacances, reviennent chaque été les citadins dans ces trois belles régions de la France, en Auvergne, en Rouergue et Limousin. Même famille, ceux du pays devenu parisien, et l'on entend parler à la Bastille de l'Auvergne, du Rouergue, du Limousin. Qu'ils soient bougnards, ministres ou fonctionnaires, ils sont tous d'accord sur le même point, c'est de retourner un jour sur leur terre, en Auvergne, en Rouergue et Limousin. tout à l'heure, on a écouté Lucien Auguste, qui joue encore en ce moment, qui nous interprétait El Morvandio et la fleur du Morvan. Après la fleur du Morvan, voici la fleur du Tyrol. La fleur du Tyrol avec François Mazera. notre bel exemple et tu verras tant d'amoureux qui, comme nous, s'aimeront dans un amour fou. Tu verras, belle rose, tous les deux nous aimerons. Et bien sûr, belle rose, oui, ensemble nous Des Vagabonds, composition de Roger Si, par François Mazera, de la part de Simone, pour tous les amis de l'accordéon, pour Mamie Geneviève et pour l'animateur. Merci Simone et bon après-midi. Au soleil, si possible. Le fleuris, c'est le printemps, de rouge, de jaune, de bleu, de vert, de blanc. Cela ne durera pas très longtemps. Venez donc faire un tour dans le moment. C'est merveilleux, c'est beau. Et vous aurez un jour l'envie de faire un tour, de faire un tour sur les routes du Morvan. Jacinthe bleue et fleurs rouges, c'est merveilleux. Sa vie, ça bouge, un ciel si bleu, nuages rouges, c'est merveilleux. Sa vie, ça bouge, vous trouverez la paix dans ces forêts si belles. Joliment bandelles qui, comme des petits chats, se tiront dans vos bras. Venez donc faire un tour dans le Morvan. Les routes sont fleuries, c'est le printemps. De rouge, de jaune, de bleu, de vert, de blanc. Cela ne durera pas très longtemps. cheminots. Si Jean-Claude et Christian se citent le dimanche, c'est qu'ils donnent des cœurs au boulot à ceux qui retroussent leurs manches. Pareil, bien plus c'est sûr, en écoutant la musique, qu'elle nous vient tout droit de Rio, ou bien les tropiques. Et pour faire bien sûr une paire de lèvres, prenez une sardine. Oui, pour faire bien sûr une paire de lèvres, alliez-lui, c'est sûr, alliez-lui un cheminot. Si le dimanche matin, vous avez des insomnies, je connais un moyen pour ne pas vous ennuyer au lit. Ma recette est la bonne, écoutez-la, pour une mise en forme, oui, suivez-la, vous mettez le doigt de 89. Beaucoup de musique, mais surtout pas de peur. Un peu de disco, ne mettez pas d'heure. Prenez les leftos sur Radio Flotteur. Et pour faire bien sûr une paire de leftos, prenez une sardine. Oui, pour faire bien sûr une paire de leftos, alliez-lui, c'est sûr, alliez-lui un cheminot. Claude et Christian se lèvent si tôt le dimanche, c'est qu'ils donnent du cœur au boulot à ceux qui repoussent leurs manches. On travaille bien plus, c'est sûr, en écoutant la musique, et où vient le droit de Rio, ou bien les tropiques. Pour faire bien sûr une paire de leftos, prenez une sardine. Oui, pour faire bien sûr une paire de leftos, alliez-lui, c'est sûr. C'est également demandé par le petit chaton pour son malin petit écureuil et pour le charmant animateur de Radio Flotteur. Bonjour, c'est ce petit chaton, c'est Dominique tout ça, puis mes félicitations à Lucien Auguste. En compagnie de Lucien Auguste. Écoutez maintenant Mireille Desbois, J'ai quitté ma Corrèze. J'ai quitté ma Corrèze, emportant dans mon cœur le ciel de ma Corrèze et ses mille couleurs. J'ai quitté la chaumière de mes jeunes. Lucien Auguste, je suis né dans la Nièvre. Je suis né dans la Nièvre. aller dans la campagne où je suis né. Entre la base et Lièvre, il se peut bien que j'ai gardé l'accent de cette belle contrée. Que puis-je y faire? Entre les lacs et les forêts, mont du Morvan vers le Valais, je suis né dans la Nièvre. Moi d'Hivernais, je le suis et je resterai là toujours dans mon cœur. Moi d'Hivernais, je le suis et je resterai tant que je vivrai. Si j'ai eu trois enfants, je les regarde grandir dans le pays où mes parents, voyant leurs cheveux blanchissants, ont préféré vieillir. C'est là qu'un jour, vivant d'amour, ils fonderont à leur tour une famille près des rivières et des vallons, des forêts et champignons. Ils vivront dans la Nièvre. Moi d'Hivernais, je le suis et je resterai là toujours dans mon cœur. Moi d'Hivernais, je le suis et je resterai tant que je vivrai. C'est de la part de Eve pour, si j'ai bien compris le prénom, parce que la communication n'était pas terrible, pour ses amis André et Annick, on écoute Michael Richard, Une nuit de tango. Thank you. continue par une autre dédicace, c'est de la part de Mamie Geneviève pour Simone et pour l'animateur, merci. Et on va écouter maintenant donc Frédéric Buch des Vosges, pas Buch des Vosges, mais Buch qui habite les Vosges. Il nous interprète une valse, non, c'est pas tout à fait une valse, faut que je trouve, la valse des Vosges tout simplement, tout bêtement. On continue bien sûr avec une composition de Rogessi. Ça s'appelle, eh bien j'ai perdu le titre, Nous sommes des vagabonds. Je crois que j'ai passé tout à l'heure, non c'est pas ça, c'est pour danser la bourrée, voilà. Avec François Mazera. Thank you. continue bien sûr en accordéon et accordéon de nos régions et musette. Demain, nous avons rendez-vous à 14h, de 14h à 16h, et ce sera cocktail coloré, musette, et chansons et musique, comme tous les lundis. Donc, de la part d'Ève, j'ai promis un morceau de folklore pour ses amis André et Annick. Voici Christophe Juano, Plus belle que l'été. Continue bien sûr l'accordéon jusqu'à 15h30, comme chaque dimanche. On écoute Maria Elena. Maria Elena, interprétée par... j'ai perdu le nom. Maria Elena, par François Mazera, je crois. Oui, c'est ça. François Mazerat, donc, c'est pour le plaisir personnel de Françoise. Sera l'anniversaire du décès de Jean-Désiré Bailly. Alors je vous passerai quelques-uns de ses grands succès, et Dieu sait s'il y en a. Jean-Désiré Bailly n'a joué, à part son premier CD, son premier album, même pas son premier 33 tours, il n'a toujours joué que ses compositions.

petit problème de disque. C'est pas grave, on le remettra un autre jour. Thibaut Collin maintenant. Thank you. harmonie. La FM en couleur. En couleur. Surprise du direct, petit problème, ça arrive ces choses-là. Alors on va écouter en attendant d'autres dédicaces, on va écouter Je reviens chez nous, Frédéric Buch. revient dans les dédicaces. On va écouter, pour le plaisir personnel de Simone, on va écouter Jean-François Carcagno, et ce sera la chanson des blés d'or. Très belle chanson.

monde en piste, qui écoute des artistes, et la danse n'est pas triste. Un petit pas, cette java populaire se danse sans manière, à l'endroit, à l'envers, c'est la java. Et dans tous les bals de France, elle met si bien l'ambiance, qu'on la joue en cadence, on adore ça. C'est souvent la plus chouette, et la java des casquettes, foulard et bouflaquette, et la vraie java. Dédicace et de la part de l'animateur pour Anne-Marie de la Source. On écoute Si jamais le bonheur passe, Christophe Coineau, avec de gros bisous. Pas à Christophe, mais à Anne-Marie. Peut-être aurons-nous la chance qu'il veuille nous abriter. C'est de la part de Anne-Marie pour l'animateur. On écoute deux morceaux qu'il adore. Ça s'intitule, je l'ai consommé en route. La polka berrichonne, une polka bien sûr, et une bourrée d'Auvergne en Berry. Paraît-il avec de gros bisous. J'espère que oui. chaque samedi. C'est une bourrée auvergnate qui toujours réunit des amoureux du folklore de l'Auvergne-en-Berry. C'est une bourrée auvergnate qui est toujours réunie des amoureux du folklore de l'Auvergne-en-Berry. C'est une bourrée auvergnate que l'on danse en Berry à plusieurs ou bien à quatre, le dimanche, le samedi. C'est une bourrée auvergnate qui est toujours réunie des amoureux du folklore de l'Auvergne. Une tradition, cette émission tous les dimanches, c'est l'étoile des troubadours par Guy Lenoir et son mari Jean-Yves Duchesne à l'accordéon. Luciane Fomant et joué par Maurice Solic à l'accordéon. Eh bien, on va continuer dans quelques instants. Je suis en train de rechercher quelque chose qu'on m'a demandé. Quand l'automne arrive sur la campagne, mieux, en brûlant le sommet des montagnes, mieux, dans les couperoles quand le soleil, il reste quelques beaux rayons vermeils, tâche de clarté le air feuillage, je mets des soutenons dans les alpins, je, à la détente, on s'en va gaiement. Profiter des derniers bons moments. Quand on s'en va de par deux sur le chemin, on est heureux de marcher main dans la main, en écoutant les petits oiseaux, les petits gazouilles dans les arbrisseaux. Dans le lointain, on entend un peu chanter, et dans les feuilles, les petits mots. On est heureux de marcher la main dans la main, en écoutant les petits oiseaux qui gazouillent dans les arbrisseaux. Dans le lointain, on entend un coq chanter, et dans les brumes, les petits moutons vêlés. Il y a des murs et des prunelles, des pommes et des poires à la pelle. Bientôt on verra les châtaigniers, prendre leur marron à plein panier. Les feuilles voltigent au ras de terre, créant une ambiance monotone. Mais les soirs d'hiver, on prenne un bon feu, sont bien agréables quand on est deux. Quand on s'en va, on peut tomber sur le chemin. Quand on est heureux de marcher main dans la main. On est tout en vie, tout seul, tout gazouille dans les arbres secs. Dans le lointain, on entend un peu chanter. Et dans les prés, les petits mots. Sur le chemin, on est heureux de marcher main dans la main, en écoutant les petits oiseaux qui gazouillent dans les arbrisseaux. Dans le lointain, on entend un coq chanter, et dans les brumes, les petits moutons vêlés. Et pour tous les amoureux, le vrai bain. C'était l'automne à deux de Christiane Fomant par Maurice Solic. J'ai un petit message personnel à passer. Je m'adresse à Eva ou Eve, comme on veut. J'ai pas trouvé le morceau de. Et je m'en excuse, mais je ne peux pas inventer. Je ne peux pas jouer à la place non plus de Michael Richard. Eh bien, on va passer à autre chose si on a le temps dans la programmation. Hein. Et j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. On continue avec. Bon, ben avec quelque chose, mais j'ai pas trouvé le. Thibaut Collat. Et ce sera Thibaut Collat, donc avec Noches de Reyes. autre tradition du dimanche, c'est évidemment l'hommage à notre ami Patrick Reynal. Et mon père Lodio, l'autre jour, il rentre au bistrot de la commune, là, le café tabac. Il rentre, il fait « Allez la compagnie !»« Ah, ce matin !» Eh ben, bon Dieu, les gars, il y a des têtes comme un tronc d'arbre, vous. Qu'est-il, va-t-il coucher à l'hôtel de tournée. Oh, arrête d'en dire de conneries. Oh, j'ai pas de conneries. Allez, Marie, donne-moi-toi un coup de remontant qu'on pense à toi. Ah, t'es intelligent, oui. Ah, tu sais même pas ce que c'est le montant compensatoire. J'en ai rien à foutre, moi. Idiot, je te dis. Pauvre gamin, autant que vous, hein. Mais mon pauvre vieux, tu te rends même pas compte qu'il y a en ce moment dans l'état qu'on est. Mais mon pauvre vieux, mais l'argent, ça vaut purin. Ah oui, peut-être pas, mais le purin, ça vaut cher. Mais il y a de toi pour dire des conneries pareilles. Ben, j'y pas, je le sais bien que l'argent, ça vaut plus rien, mais c'est quand même ben de votre faute, hein. Moi, j'ai peut-être bien été à l'école que jusqu'à 11 ans, mais on m'a jamais dit, les gars, qu'un Romain, il avait sauvé un franc. Un Romain? Eh ben oui, Laurentius Fabius. Ah ben, il faut les trouver, ces conneries-là. Oh oui, t'es pas capable d'en trouver, des conneries, oui. Mais quand on dit que ça vaut plus rien, l'argent... Mais je le sais que l'argent, ça vaut plus rien. Mon pauvre gars, c'est pas moi que tu vas le dire. T'as qu'à voir qu'un rentre dans le temps, mon grand-père. Et quand... Oh, il y a... Oh, ben... Oh, oui, il y a ben ça. Si c'est pas plus. Mais pour 200 francs, mon grand-père, mais il achetait une ferme. Avec des dépendances. Oui, monsieur. Pour 200 francs. Et qui t'a pour 200 francs à présent? T'as même pas un vélo. Non, monsieur, t'as pas un vélo pour 200 francs. Si t'as un vélo pour 200 francs, c'est qu'il n'y a pas de guidon. Ou bien un vélo de régime, sans selle. Oui, je sais, mais fallait la faire, celle-là. Non, mais pour avoir un beau vélo à présent, faut être un cadre. Non, mais arrête de dire des conneries, je te jure. Tu connais rien du tout en politique. Ah ben, la autre chose, tu vas me dire que je suis au courant de rien du tout, moi. Eh ben, mon petit gars, je te dirai un truc. Hein. Avec la Louise, on n'a peut-être pas tout à l'égout, mais on a quand même la télé en couleur, vieux. Puis on la regarde. On les a vus, les machins de sondage. Ben, ça va pas si mal que ça. On les a vus, les sondages à la télé. Tiens, la majorité, 75% qu'ils avaient. Là, l'autre, là, l'opposition de la minorité, ils avaient 65%. Eh ben... Vous dites que ça va pas... T'es donc. Parce que j'en fais pas de politique, mais je vais te dire un truc, moi. Pas plus tard que vendredi, on l'a pris, la télé. T'es en train de manger, je dis à la Louise, prendons la première, on va commencer par là. On a pris la première, oh, dis donc, on tombe sur un machin politique, justement, là, un grand métinge, ils appellent ça un métinge, il y avait un champ, il y avait des gens qui étaient là, tout ça, et puis il y avait une estrade au fond avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, un monde là-dedans, dis donc, on serait tous soir, t'as à voir le monde qu'il y avait. Oh, un monde. Puis il y a un gars qui est venu, un grand, tu vois, avec des lunettes. Oh, il est connu, il doit être maire de Paris, un truc comme ça. S'il a un parti politique, le RER, là, machin. Là. Mais si, vous voyez bien ce que je veux dire, on l'appelle caca de doigts. Caca de doigts. Ben oui, il est tout le temps comme ça, lui. Allez. Caca de doigts. Oui. Alors, il leur a dit, Français. Il y a des Français parmi les Français qui ne sont plus des Français. Unissons-nous entre Français. Moi, je mangeais ma soupe, dis-le encore là. Unissons-nous, Français, et tous ensemble, chantons. Allons, enfants de la patrie. Je me suis relevé avec ma cuillère, j'avais poum, mais... Je dis, allez, Louis, change de chaîne. Change de chaîne, il y en a marre de ces machins-là. On prend la deux. On va voir autre chose. Qui qu'on voit? L'homme en blanc. Le voyageur du Saint-Esprit. Ah, il voyage, lui, hein. Pareil, dis donc, un grand machin avec un chant tout le long, puis lui, il était au milieu, tout en blanc, avec tous des grands rideaux derrière lui, tout ça. Oh, c'était joli. Il leur a dit, mes très chers frères, il y a des frères parmi nos frères qui ne sont plus des frères, mes frères. Nous devons nous unir entre frères dans une seule prière, mes frères, et chantons. Plus près de toi, mon Dieu, c'était la Louise qui chantait aussi. Oh, ah, pleure, je dis, change-moi de chaîne, oh. On prend la 3, il n'y en a pas d'autre. Qui qu'on voit, encore un métain, dis donc, à la Courneuve. Mais les drapeaux, ils avaient changé, ils étaient tout rouges, là. Ah, quand t'as la couleur, c'est intéressant, hein, quand même, hein. Il y avait un monde là-dedans. Un monde. Et puis il y avait une estrade au fond, puis il y a un gars qui est venu, tu vois, il courait pas, il marchait. Il a monté sur cette estrade, il a dit, camarades, il y a des camarades parmi les camarades qui sont plus des camarades, camarades. Faut sauver les travailleurs. Unissons-nous la main dans la main et le poing levé, et ça ensemble, c'est pas facile. Et tous ensemble, à gorge d'employés, chantons. Telle la lutte. Oh, yolo, ferme-moi ça, ferme la télé. On était au lit, puis je vous dis que la Louise, elle s'en plaît pas, vieux. Enchanté, Méditerranée, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Ben vous savez, quand je vous vois vous amuser comme ça, ça me fait penser au club de vacances. Hein, y en a qui ont été. Hein, y en a qui ont été. Élevez la main. Eh ben non, mais c'est bien. Mais Berlaudio aussi y a tété. Ah oui, le jour je le rencontre, il fait de la batterie, ça va-t-il? Ben si, ça va mon Berlaudio. Oh ben dis donc, vieux. J'arrive des clubs de vacances, là, avec la bourgeoise. Oh ben mon vieux, tu t'ennuies pas. Oh ben peut-être bien, dis donc, on a même été à l'étranger. Hein. Ah ben donc, oui mon gars. On a été à Athènes, en Tunisie. Oh ben vous rigolez, mais comme dit la bourgeoise, hein, comme dit la Berthe, hein, ça revient pas plus cher que de passer les vacances dans de la famille à Châteauroux. Oh ben c'est ben moins monotone, elle a raison. Hein. Oh puis surtout là-dedans, dans les clubs de vacances, on va de surprise en surprise. Tiens, sur le plan contact humain. Bon, écoutez, franchement, mes enfants, sur le plan rapport humain, et si on veut s'en donner la peine, vous pouvez vous faire au moins 4 ou 5 rapports par jour l'un dans l'autre. On n'arrête pas. Hein. Ils appellent ça le grand dépaysement exotique. Oh ben, c'est vrai que pour vous dépayser, ils en connaissent un rayon. Hein. Oh ben, t'as rien qu'au départ. Au lieu de nous emmener dans un jet, comme ça se fait tout le temps, ils nous avaient-ils pas préparé un charter, qu'ils appellent ça, rien que pour nous, un catélice, qui était le haut rencard depuis la guerre, un machin qui marchait à piston. C'était, attendez voir, un vicaire viscoun. Oh ben moi, je suis retenu là-dedans, c'est qu'il y avait un vicaire dans le cou. Je me suis dit, mon Berlaudio, si tu dois monter là-haut, vaut pas mieux aller avec quelqu'un de la maison, va. Oh ben, vous rigolez, mais moi, je riais pas. Hein. Oh ben, on partait d'Orly. Quand je l'ai vu sur la piste, ben, j'ai dit, jamais on va passer l'autoroute. Jamais, et puis en plus, ça bouchonne à Évry, c'est un samedi. Eh ben si, il s'est levé un petit peu, dites donc. Et alors, comme par hasard, au-dessus d'un sanatorium, il s'est-il pas mis à tousser. On l'a senti vibrer, et hop, parti. Pas envie, mais parti. Eh ben, la première chose que t'entends dans ces machins-là, quand t'es à 4 ou 5 000 mètres d'altitude, par haut parleur, c'est « Chers passagers, le commandant Ravier est ravi de vous souhaiter un bon voyage et de bonnes vacances. Nous allons avoir la joie d'effectuer un vol maritime. Nos charmantes hôtesses vont se faire un plaisir de vous expliquer le fonctionnement des gilets de sauvetage. » Eh ben, j'ai mon Berlaudio, tes vacances vont tomber à l'eau. Oh, pour la Berthe, je m'inquiétais pas, là, c'est flotteur. Mais moi, nanar, avec ce que je vois comme canon, au fond, hein. J'étais malheureux. Puis après, là-bas, j'entends qu'ils disent qu'on allait survoler les Alpes. Oh, ben, il manquait plus de ça. Eh ben, j'en ai pas sorti de l'auberge, moi, je vous le dis. Surtout, écoutez, vous connaissez le Mont Blanc, hein. Oh, ben, sûrement aussi bas que moi. On le survolait pas, le Mont Blanc. On l'escaladait, dis donc. Moi, je t'ai cramponné à mon siège, il va donc pas la passer, la quatrième. Oh là là. J'étais si malheureux, je t'ai cramponné, là, dis donc. J'y sais pas possible. Et il y avait un monsieur à côté de moi, il me regardait. Ça n'a pas l'air d'aller. Bon, j'y... Pas détendu. Mais vous allez voir, ça va se passer, c'est rien, mon vieux, c'est rien. Lui, il était là, il fumait son cigare, il n'en avait rien à foutre. Vous allez au club de vacances? Ah, je dis oui, c'est la première fois. Ben, dis-moi, ça fait 10 ans que j'y vais. C'est sympa, vous allez voir. C'est chébrant, hein. Ah oui. Ah, c'est coblé. Ah bon, on est coblé. Ah oui. Mais vous allez voir, c'est cool et tout. Hein? Allez, je me présente. Dupont Dubois. PDG. Ah oui. Oh, ben, vous savez, moi, la politique, hein. C'est un peu comme dans l'avion, il y a des hauts et des bas. Ça l'a fait rigoler, mais pas sa femme. Ah ben, elle riait pas, elle était dans son coin. Elle récitait son chapelet sur un collier de perles. À pièce des pêches, elle a sauté la croix puis la bannière. On sentait qu'elle était pressée. Et moi, pendant ce temps-là, j'essayais de me récapituler le menu entre deux turbulences. Oh, j'étais si malade. Oh, puis je pouvais pas. Il y avait le pilon du poulet qui se voulait passer par-dessus le camembert. La crème caramel qui pataugeait dans le whisky, j'étais malade. Et au moment où je commence à aller un peu mieux, la type de gens contre le haut-parleur, il fait « Cher passager, nous commençons la descente par palier sur Athènes. Par mesure de sécurité, vous êtes prié d'éteindre vos ceintures et d'attacher vos cigarettes. Merci. Eh ben, je dis ça, il n'y a pas que moi qui est malade. Hein. Comment qu'on a atterri à Athènes, je ne me rappelle plus. Alors là, dites donc, je vois ma femme qui se lève, elle avait les yeux hagards. Elle me dit alors, voir monsieur au plaisir. Après 40 années de mariage, ça t'en fout un coup. Enfin, je l'ai pris par la main, puis je l'ai plus lâché. Hein. On descend de l'avion, et c'est là qu'on a fait la connaissance du Géo, le gentil organisateur. Eh bien, rien de ça, mes enfants, ça vaut le déplacement. Ah, ça, ça vaut le coup. Parce que ça vous cause pas un Géo quand tu descends de l'avion. Ça vous dit pas bonjour à Géo. Ça vous demande pas si t'as fait bon voyage. Et puis pour ça, il n'a pas intérêt, le Géo. La première chose que ça vous dit, c'est Azig, Azig, Azig. Il paraît qu'il faut répondre aïe, aïe, aïe. Eh bien, quand t'es pas au courant, va entamer la conversation, toi. Oh, puis de toute façon, là-bas, c'est pas la peine. Tout le monde est en vacances, y compris le personnel. Surtout le personnel. Ah ben, le maître nageur, il ne nage jamais, il roule. Il roule pour lui, voyez, beau pectoraux. On ne plonge pas du 5 mètres là-haut, ça met la bouse, quoi. Alors lui, jamais vous le voyez à la plage. Il est au bar. Le barman, lui, il est à la plage. Il drague. Ben, plus de fumée que de mazout. Et il est de là. Il, oh ben oui, mais de toute façon, vous savez, c'est chouette quand même, c'est un avantage, parce que quand t'apprends à nager au bar, forcément, quand t'arrives à la plage, tu bois tranquille. Oh ben, un autre avantage aussi, c'est le système forfaitaire tout compris. Alors ça, c'est bien. Quoique, il nous avait hypoglissé en traite le stinotique. 20 francs par demi-heure et par ski. Moi, je dis, tiens, je vais en prendre un pour voir. Il y a le moniteur, il dit, moi, monsieur Berlaudio, je serais de vous, j'en prendrai deux. Et même si vous avez les moyens, prenez-en donc quatre. Heureusement, j'en ai chaussé deux. Heureusement, parce que j'arrivais avant le ski ou après, mais jamais avec. Oh, la première fois que j'ai réussi à me sortir de l'eau complètement, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû lâcher la corde trop tard. Je suis parti comme une torpille en direction de la plage. Zut! Et ça y allait, vieux. Il y avait les nageurs, ils se redressaient. Ils me regardaient passer, béat. Sauf un abbé qui était KO. Il avait pris mon stinotite derrière la nuque. Ça doit-il faire mal, ce machin-là. C'est la première fois de ma vie que j'ai entendu un curé évoquer son patron aussi spontanément. Oh, non de... Deux jours de purgatoire que j'ai dit en pensant sans m'arrêter parce que j'aurais voulu, j'aurais pas pu. J'ai continué mon trajet. Je suis passé sous une planche à voile. J'ai été soulevé par une grosse vague. J'ai atterri sur la plage au pied du maniteur qui m'a regardé, m'a dit, mais vous n'avez pas fini votre demi-heure. Moi, j'en avais rien à foutre, hein. Puis lui non plus, parce qu'on est partis tous les deux, bras dessus, bras dessous, en direction du bar, et puis on y allait, hein. Vive les clubs de vacances! Zid, zid, zid! Aïe, aïe, aïe! Zid, zid, zid! Aïe, aïe, aïe! Vive les... Elle est belle, elle est charmante, elle est douce et souriante, c'est un petit brin d'amour, notre petite berrichonne. Tous les hommes sont fous d'elle, ses beaux yeux les ensorcellent, elle prend des airs de badonne quand on lui demande son téléphone. Elle a un site internet, la petite midinette, où le petit découvrit toutes les coutumes du Berry. Elle ne porte plus de biode, pas de châle sur les épaules, c'est une fille à la mode. Elle s'est fait tatouer le biel dans le bas du dos de la belle. Allez, tourne la manielle, allez, tourne, tourne. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la sa tondeuse. Ses copains la trouvent pas drôle car elle joue très bien au football. C'est une vraie garçon manqué, elle joue même au tiercé. Elle voudrait tenir boutique où il n'y aurait que des gagnants. Et le soir la demoiselle, déjà fatiguée de la veille, déjà plus du tout la force de manipuler sa bielle. Dans le bas du haut la belle, allez tourne la manivelle. Petite dédicace en passant, c'est de la part de Mamie Geneviève pour l'animateur, merci. Et on va écouter Bernard Marly, La Cascade. Demain, vous l'écouterez par son auteur, bien sûr, Jean-Désiré Bailly. On va continuer par une dernière dédicace. C'est pour le plaisir personnel de Paulette à Fleury-des-Aubrais. On écoute les flots de la Vienne par les compagnons du Musette. mais au cœur de la France, doux pays de mon enfance, se jettons dans l'océan, où l'eau, marées et grands vents, on peut voir ces beaux rivages, quelle belle image. À la pendule de Radio Arc-en-Ciel, on va se quitter dans quelques instants. Je vous laisse en compagnie d'RDP en direct du Portugal. On se retrouve demain, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 14h à 16h pour cocktail coloré, musique, accordéon et chanson. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et puis je vous remercie bien sûr de votre très grande fidélité et des nombreux coups de téléphone que j'ai eu aujourd'hui. Bonne soirée à tous et à toutes, et puis pour ceux qui reprennent le boulot demain, bon courage. Les vacances, c'est pour la semaine prochaine, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Et changement d'heure aussi. Ah ben, il y a beaucoup de choses. Alors, je vous dis donc, à bientôt. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt. Mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, il y aura d'autres musiques, d'autres bals, d'autres soirs de gala, on aura des nuits magiques, des bons jours. Et des bonsoirs, je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt. Un peu trop tôt, un peu trop tôt. Il y aura d'autres dimanches, d'autres joies, d'autres chansons d'amour, des javas et des nuits blanches, des départs et des retours. Je ne vous